Que vais-je dire à mon fils quand il me demandera de lui parler de moi, de lui parler de ma vie avant qu'il n'atterrisse dans mes bras? Grâce à Dieu, je n'ai manqué de rien, surtout pas d'amour. Tes grands-parents se sont occupés de nous avec bravoure. Ma jeunesse n'a pas été dure, je suis pas à plaindre. Et je ne suis pas issu d'un milieu qui est à craindre. La vie ne m'a pas haï, j'ai eu la chance de connaître des moments qui me l'ont ébloui. La solitude et moi en a fait connaissance autour d'une feuille. Un stylo nous a écouté dire ce qu'on avait sur le cœur, incompris des autres, car accusé d'être rêveur. J'ai dû demander au rap de m'accorder une faveur. Il m'a pris sous son aile en échange de ma fidélité. Il m'a appris à exprimer le fond de ma personnalité. Voilà pourquoi je le valorise face à ma scolarité. Il me fait vivre aux dépens de sa popularité. J'ai des amis en or qui me permettent de vivre heureux, une famille qui me donne de la force à travers leurs yeux. Grâce à Dieu, je n'en ai jamais menti au fil des années. L'amour et l'amitié sont deux fleurs de mon vase qui n'ont jamais fané. Parlons des femmes, c'est vrai que je suis pas vraiment à l'aise. C'est vrai que j'ai beaucoup été déçu dur en ma jeunesse. C'est vrai que j'ai été de ceux qui ont tiré sans compter. Je m'en suis jamais vanté, je n'en parle pas avec fierté. J'ai un sale caractère, parfois chien plutôt comme réaction conne. Ce qui fait que j'ai blessé des personnes, des tonnes de petites querelles qui a bouffé ma porte. Je travaille sur moi même pour minimiser ces moments où je déconne. Hormis ça, je suis plutôt un bon vivant. Pour moi un sourire vaut plus cher que le plus gros des diamants. À l'heure où je t'écris, je n'ai toujours pas rencontré ta mère. Impatient qu'elle prenne ma main dans la sienne et qu'elle la serre. Qu'elle la serre. Que vais-je dire à mes gosses quand ils m'appelleront papa? Mon amour pour eux probablement une émotion qui ne parlera pas. Loin d'être parfait, j'ai fait crise et mes parents, adolescents blessés de l'intérieur mais qui ne se voient pas à l'apparence. J'ai fait confiance à des gens qui étaient indignes de ce nom. Mon imprudence m'a fait courir, maintenant je me déplace doucement. J'ai dû faire face au vent lorsqu'une tempête me dévastait. Je parle de moi et de vous dans mes chansons pour les contraster. Donner vie à des mots, m'accompagner de mon coup de foudre. Suffit pas de raviver la flamme pour éviter qu'elle s'étouffe. On a tous fait des erreurs, pour ma part ça m'a endurci. J'ai un cœur de béton depuis que j'ai mis l'amour en sursis. Me méfie peu, je donne beaucoup sans rien demander en retour. Mon sourire je le dois à mes amis qui m'entourent. Je suis loin de la perfection, mon parcours est parsemé de cicatrices. Un taillé profond impossible que mes plaies cicatrisent. Que vais-je dire à ma femme lorsque je serai ébloui? Quand le poids de ses mots fera plonger mes cauchemars dans l'oubli. Mes rêves se sont évanouis en attendant que tu arrives. Je me suis renfermé sur moi-même et laissé mon cœur à la dérive. Ivre de toi, considéré comme alcoolique. Si l'amour était liquide, ma parole j'en tiserai des litres. Délivre-moi des préjugés qui m'emprisonnent. Car aux yeux des gens, je suis la pomme pourrie qui t'empoisonne. Dans ton regard, je me découvre de l'intérieur. Tu ne t'attaches pas au physique, mais plutôt aux échos de mon cœur. À une époque souvent trahi, l'amour mes cœurs. Je tourne le dos à Cupidon pour mettre mes sentiments dans un bunker. Depuis des années, je ne laisse pour rien paraître. Mes émotions vivent dans l'ombre, espérant apparaître. Mais voilà que depuis peu tu fais partie de ma vie. T'as placé près de moi comme un bâton, cœur t'es vital.